Chapitre 29. Départ de Sarepta. Quatre étapes au bord du Volga. Entre Sarepta et Saratov. Première étape. Tsaritsyn. Une bénédiction d'inauguration. Le chapeau de Pierre le Grand. Désirant voir autant que possible les bords du Volga, je dus précipiter mon départ de Sarepta, l'automne touchant à sa fin. Ce fut avec de vifs regrets que je quittai ce milieu paisible, intelligent, où j'avais été initié à bien des choses intéressantes. Les voyages sur le Volga, durant la bonne saison, sont des excursions fort agréables. On trouve plus de confort à bord des principaux bateaux à vapeur qui montent et descendent le grand fleuve, que dans les hôtels riverains qui laissent tout à désirer. Aussi n'est-il pas rare de voir les habitants faire sur l'eau des promenades d'agrément pendant plusieurs semaines sans abandonner leur quartier général flottant. Quelques-uns, curieux de connaître l'intérieur du pays, s'arrêtent au nombre débarcadères des deux rives. Il leur est facile de reprendre leur route le même jour ou le lendemain, étant donné le grand nombre de navires appartenant à différentes compagnies qui font le service d'Astrakhan à Nijni Novgorod et vice-versa. On peut comparer les voyageurs de la première catégorie à ces gens qui visitent au pas de course les plus riches bibliothèques, se contentant d'admirer à la hâte la reliure des volumes sans regarder les titres. Ces touristes insoucieux ignore jusqu'au nom des jolies villes, riches colonies et riants villages devant lesquels ils passent et repassent en jetant seulement un furtif regard sur l'édifice principal, l'église blanche à dôme vert et à croix dorée qui s'élève partout dans ces régions. La seconde catégorie représente ces amateurs de bouquins qui s'arrêtent, feuilletant un in-folio ou un Elsevier, saisissant au vol une phrase bien écrite, une pensée nouvelle qui se grave dans leur mémoire. Note, Elsevier, nom d'une famille illustre d'imprimeurs hollandais d'Amsterdam, La Haye, etc., établi dans plusieurs villes de la Hollande au XVIe et XVIIe siècle. Fin de note. Une excursion sur le Volga est pour eux comme le résumé de l'histoire locale dont ils parcourent les pages les plus intéressantes. Deux routes conduisent de Sarepta à la ville russe de Tsaritsyn, première étape à 28 verstes de la commune des Frères Moraves. Note Tsaritsyn. En 1878, la peste qui avait éclaté à Veblianka, village à proximité de Tsaritsyn, mit toute l'Europe en émoi. Le général Loris Melikov envoyait alors à Tsaritsyn pour prendre des mesures contre la propagande du fléau, s'était montré à la hauteur de sa tâche et mis fin aux alarmes du monde occidental. Fin de note. On peut faire ce trajet par la voie postale ou par le fleuve. Je fis ce chemin des deux manières, escorté par un des plus anciens habitants de Sarepta. Ce compagnon précieux me mit au courant de tout ce que je désirais savoir sur les mœurs du pays. La route par terre est monotone et peu pittoresque. Sauf les jardins des colons allemands et ceux d'un village voisin, le sol est peu cultivé et le steppe s'étend depuis le rivage jusqu'aux hauteurs d'Ergénie. En venant de la colonie de Sarepta, si calme, le contraste est frappant avec Tsaritsyn, ville de transit si mouvementée. De nombreux chariots chargés de marchandises se croisent et soulèvent des tourbillons de sable en se rendant par les rues non pavées, les uns au gard des chemins de fer qui relient ce point à l'Europe, les autres aux embarcadères du fleuve. Là, le hurlement aigu de la locomotive appelle ceux qui vont vers les pays où règne la civilisation. Ici, un sifflement strident signale le départ du bateau se dirigeant vers les régions où campent les hordes barbares, des Kirghiz et des Kalmouks. Ainsi, de Tsaritsyn, centre cosmopolite, partent ceux qui vont en Orient et ceux qui se rendent en Occident. Le Volga et le Don étendent leurs gigantesques bras vers cette ville, se disputant son riche avenir au profit des contrées qu'il baigne. L'Asie réclame sa part, apportée par le Don à la mer d'Azov et à la mer Noire, et par le Volga à la Caspienne. Tsaritsyn a donc une grande importance pour le commerce. Deux chemins de fer la font communiquer avec l'intérieur et avec Saint-Pétersbourg. Elle est le marché principal de la Russie pour le naft provenant des sources exploitées depuis peu d'années aux environs de Bakou. C'est là qu'on donne la cote officielle de cette huile. Mais si les commerçants s'enrichissent, il n'en est pas de même des propriétaires voisins dont beaucoup se disent ruinés par l'abolition du servage. Les anciens quartiers de Tsaritsyn, ces maisons en bois, ces larges rues où débouchent des ruelles étroites offrent l'aspect d'une ville purement russe. Chista, Ruska, comme le disent avec orgueil les moscovites. Mais depuis que sa pauvreté s'est changée en opulence, elle a perdu son cachet national, comme toutes les cités de ce pays que le progrès envahit. On voit actuellement de grandes bâtisses en pierre à plusieurs étages. Dans l'une est une banque, dans l'autre une école. Heureux signe pour une nation quand l'argent n'est pas mieux logé que l'instruction. Ailleurs, c'est un club où les dames sont admises. Dans ces élégants salons ont lieu chaque semaine des réunions dansantes. Un large trottoir en asphalte longe ces nouveaux bâtiments. C'est le seul qui ait été fait. Il donne l'espoir de voir disparaître un jour le terrain sablonneux des rues où le pied s'enfonce comme au milieu des steppes. Un boulevard conduisant à l'une des gares du chemin de fer existe déjà. Plusieurs autres embellissements ont été projetés. Dans cette métropole de l'avenir où la verdure est rare, des jardins surgissent çà et là. Quelques églises élevées au fur et à mesure constituent toute la richesse architecturale de Tsaritsyn. Grâce aux nouveaux édifices publics et maisons particulières qui ont été construits à Tsaritsyn, les pauvres de la ville ont eu pendant quelque temps de nombreux profits. Il est d'usage que tout local, grand ou petit, chez le riche ou chez le pauvre, soit inauguré par la bénédiction d'un ecclésiastique qui reçoit une certaine somme selon les moyens de celui dont il vient bénir la demeure. Je fus témoin d'une de ces cérémonies chez un riche marchand de la localité. Il avait invité une nombreuse assemblée pour assister à l'inauguration de son magasin. Le pope, portant la croix et précédé d'un chantre, d'un diacre et d'un lecteur qui lit les prières, entra dans la maison. Devant la porte se tenaient ceux qui l'avaient accompagné à sa sortie de l'église et qui l'attendaient pour le reconduire jusqu'à la sainte demeure. Fréquemment, on voit ainsi se former des processions dans les rues, le peuple russe ne laissant échapper aucune occasion pour recevoir une bénédiction. Après que le pape eut béni avec la croix la boutique et dit des prières que l'assistance agenouillé, écouté avec le plus grand recueillement, il suspendit au mur, en face de la porte d'entrée, à l'endroit le plus en vue, une image représentant Saint Nicolas, patron du marchand. Puis il invoqua la protection du saint pour le maître du logis et sa famille, et les bénit au nom du gardien de leur foyer domestique. Les chants des assistants et l'encens achevèrent de donner à cette cérémonie un caractère tout à fait solennel. Un déjeuner suivit la bénédiction d'inauguration. À table, la place d'honneur était occupée par le pape, qui ne manqua pas de bénir le repas et ceux qui y prirent part. On le voit, la population de Tsaritsyn a conservé ses usages religieux typiques malgré le voisinage d'un grand nombre de sectaires. Au printemps et en automne, une grande foire est une occasion de réunion pour les habitants des localités voisines des steppes. Les différentes races qui s'y rencontrent ont toutes le même but, acheter bon marché et vendre cher. Tsaritsyn, cité de l'impératrice, fut fondée par Jean IV le Terrible vers 1556, après qu'il se fut rendu maître de Kazan et d'Astrakhan, compris dans les cinq khanats de la Horde d'Or. Son prédécesseur, Jean III, avait commencé déjà à réagir contre le joug tatar et en 1480, il prit le khanat de Kaptchak. Note, sous le règne de Catherine, en 1783, les Tatars furent définitivement réunis à la Russie. Fin de note. J'ai raconté plus haut qu'en 1670, Stienka Razin, le plus dangereux et le plus acharné socialiste de son époque, dont la hardiesse est restée proverbiale, s'empara de Tsaritsyn. À l'hôtel de ville d'Ouma, on me montra un souvenir du passage de Pierre le Grand après sa conquête de Derbend en 1722. Les habitants de Tsaritsyn s'étant plaints d'être souvent pillés et attaqués par les peuplades environnantes contre lesquelles ils n'avaient pas de protection et dont ils craignaient l'invasion, le tsar répondit en leur présentant son chapeau. « Voici mon chapeau. De même que personne ne se hasarde à l'ôter de ma tête, de même personne n'osera vous faire quitter ce lieu. » Ensuite, il leur donna son bâton, en ajoutant « Voilà ma canne, de même qu'avec elle j'ai mené mes amis, avec elle mené vos ennemis. » On lit ces paroles en russe sur un papier collé sur le globe de verre qui couvre le chapeau à large bord formé d'un tissu gris. Le bâton, très gros, de la hauteur d'un homme de taille moyenne, est en bois de cerisier de Perse, à manches recourbées avec un trou pour y passer une corde. La tradition n'ajoute pas si les pusillanimes habitants de Tsaritsyn furent tranquillisés par la possession de ces deux talismans, ni si le bâton leur a suffi pour tenir à distance leurs agresseurs. Ce qui paraît certain, c'est que les amis de Pierre le Grand, menés à la baguette, devaient s'en ressentir lorsque sa formidable canne tombait sur eux. Comme preuve de l'habitude que cet autocrate avait de faire marcher son monde à coups de bâton, on cite ses paroles historiques et passées en proverbe qu'il adressa un jour au prince Volinsky après l'avoir frappé injustement. « Peut-être as-tu reçu trop de coups cette fois. Décompte-les pour ceux que tu avais mérités une autre fois et que je ne t'ai pas donné. » Note. Volinsky était alors gouverneur d'Astrakhan. Il devint ministre sous le règne de l'impératrice Anne. Accusé par Biron, favori de cette souveraine, de crimes de haute trahison, Volinsky, par ordre de l'impératrice, fut mis à mort à Saint-Pétersbourg et ses enfants furent exilés en Sibérie, 1731. Rylev a écrit un poème sur Volinsky, le tableau de Jacobi. Une matinée chez la tsarine Anne dépeint les mœurs peu sérieuses de sa cour. Cette toile représente Volinsky au seuil de l'appartement de sa souveraine, des papiers d'État à la main, et la surprenant assise sur son lit, prenant le plus grand plaisir à regarder ses courtisans qui se livrent à des jeux ridiculement enfantins. Cette peinture eut le mérite de ne pas plaire à la censure qui y vit des allusions politiques, aussi fut-il défendu à l'artiste de l'exposer une seconde fois. Un riche marchand de Moscou s'en rendit acquéreur à bas prix. On peut la voir chez lui, moyennant un pourboire au domestique. Fin de note. Lors de ce même passage, Pierre le Grand fit commencer un canal pour réunir le Volga au Don. Les travaux ne furent pas terminés. Depuis, on projeta plusieurs fois de les reprendre à cause de l'utilité de cette voie pour le commerce. Sous le règne de l'impératrice Anne, Tsaritsyne fut fortifiée. Un siècle après que Stienga Razine s'en fut rendu maître, la ville tomba au pouvoir d'un autre rebelle, le Cosaque Pugachev, qui la ravagea 1774 avec sa troupe sauvage dont il s'était fait nommer l'Hetman. En maints endroits, dans les steppes environnants, on a découvert des monnaies datant de la domination des Tatars, dont le joug pesa pendant plusieurs siècles sur les habitants de ces contrées. Ces monnaies servaient à payer le tribut exigé par les maîtres du pays. Parmi ces pièces d'argent, plus minces que celles frappées de nos jours, plusieurs ont été reconnues fausses. Les Russes réussissaient par ce moyen à tromper leurs vainqueurs. Dans les vastes plaines au milieu desquelles se trouvent Tsaritsyne et Sarepta, on rencontre bon nombre de kourganes. On ignore quand et par qui ces tombeaux furent élevés. Près de Sarepta, on en a fouillé plusieurs où l'on a trouvé des monnaies, des ornements en or, des armes, sabres, piques, etc. Les frères Moraves envoyèrent ces objets à divers musées d'Allemagne, mais les archéologues et les numismates n'en purent préciser la date. À proximité de Tsaritsyne, on fit des fouilles dans deux gourganes peu éloignés l'un de l'autre, nommés Kourganes du Tsar. Ces tombes passent pour être celles d'un khan tartare et de sa femme. En effet, on y trouva deux couronnes. Chapitre 29, deuxième étape, première partie. Dubovka. Les vieux croyants, les différentes sectes, le clergé noir et le clergé blanc. Une réunion chez le starosta. Les matines au monastère de Dubovka. Détails sur la vie des religieuses. Première partie. L'ancien bourg de Dubovka est la première station de quelque importance après Tsaritsyne. Il est principalement peuplé de sectaires russes, parmi lesquels les vieux croyants Starovéri. Ceux-ci ne reconnaissent pas la réforme introduite au XVIIe siècle par le patriarche Nikon. Ce pontife, que les uns disent fils illégitime de Pierre le Grand, auquel les autres donnent pour père un cultivateur des environs de Nijni, a jeté le brandon de la discorde dans l'Église russe par les innovations qu'il y a introduites. Le schisme qui s'en est formé n'a pas cessé d'exister. À l'âge de 40 ans, après s'être séparé de sa femme, qui se fit religieuse dans le couvent de Saint-Alexis à Moscou, il entra lui-même dans les ordres et, avec le froc, prit le nom de Nikon. Devenu prieur d'un ermitage dans le gouvernement d'Olonets, près du lac Kogéozersk, son habileté et la protection du tsar Alexis le tirèrent bientôt de cette position obscure et il fut nommé archimandrite. Peu de temps après, il devint évêque, puis métropolitain et enfin patriarche. Connaissant son influence sur le tsar, il en tira profit. Ces réformes des rites religieux ayant mécontenté le clergé et le peuple, ceux-ci refusèrent de les adopter. Il en appela au souverain qui le soutint de toute son autorité. Aussi ambitieux que despote, il bouleversa les cérémonies de l'Église en usage depuis des siècles, changea les anciens textes, le rituel, les croix antiques. Enfin, il fit une révolution complète dans les formes du culte. Il trouva une forte position dans les conciles, les couvents, les églises, parmi les pauvres et les paysans. Mais, par sa haute dignité sacerdotale, il imposa ses innovations. Elles devinrent obligatoires dans tous les sanctuaires et les monastères. Le tsar, animé de la même ardeur de réforme, reconnu officiellement les innovations apportées dans le culte par Nikon, culte qui devint celui de l'État et l'est encore aujourd'hui. Le patriarche changea aussi l'architecture des anciennes églises. Le style byzantin fut adopté et bientôt l'on ne vit plus s'élever que des monuments de ce genre. Mais malgré le pouvoir absolu de Nikon, des milliers de sujets russes refusèrent d'adopter les lois nouvelles et restèrent fidèles aux anciens rites. Ils sont toujours les ennemis jurés de l'Église nikonienne. De cette séparation de l'Église russe datent des haines invétérées. Les vieux croyants considèrent Nikon comme un hérétique, un dissident. Leur hostilité contre le patriarche s'est étendue jusqu'au tsar et à l'État qui l'ont protégé. Profitant du temps que j'avais à passer à Dubovka, je visitais la demeure d'une famille de vieux croyants. Je fus hospitalièrement accueilli dans ce sévère sanctuaire domestique où étaient rassemblés le père, la mère, un fils et une fille. Le chef de famille, nommé Ivan Fedorovitch, riche fermier, vint à ma rencontre. Ses manières étaient simples, polies. Son aspect viril me frappa. Il avait dépassé la quarantaine, mais ses cheveux et sa longue barbe ondoyante étaient encore du plus beau châtain. Ses yeux bleus avaient une expression de mélancolie. Il portait un long surtout et était coiffé d'un bonnet fourré. Sa femme et sa fille étaient emmitouflées dans de larges caftans de peau de mouton qui me rappelaient ceux des tribus nomades. Un mouchoir de couleur noué sous le menton cachait leur chevelure. Ni le visage de la mère, ni celui de la fille, âgée de 16 ans, ne présentaient aucun type de beauté. Le fils, au contraire, avait une physionomie distinguée et des traits remarquablement fins. Il portait l'habit de moine. Ses longs cheveux blonds tombaient en boucles épaisses sur ses épaules. Au premier abord, on le prit pour une femme. Il avait 20 ans à peine. À mon entrée, le père était occupé à faire des comptes. Les femmes cousaient et le fils tenait un livre de prière en main. Ils m'invitèrent, ainsi que ceux qui m'accompagnaient, à nous asseoir au milieu d'eux. La minutieuse propreté du logis me charma. La chambre où nous nous trouvions était la pièce principale de la maison. Cette habitation consistait en un vaste bâtiment en bois, entouré d'un jardin, précédé d'une cour avec grange, étable, etc. Je remarquai, dans une encoignure de l'appartement, un petit autel soigneusement orné, surmonté d'images de saints. En général, le peuple russe est fort démonstratif. Je constatai le contraire parmi ces vieux croyants. Dès le début, leur réserve me frappa. Cependant, ils devinrent peu à peu plus communicatifs et lorsque mes compagnons, des employés du gouvernement, me laissèrent seul avec eux, leur retenue cessa et ils furent tout à fait expansifs, encourageant les demandes que je leur adressais. Voici le résumé de leur histoire. Descendant d'une famille sacerdotale qui comptait parmi les ennemis les plus acharnés du patriarche Nikon, le camp n'avait fait qu'accroître leur haine pour ceux qui ne partageaient pas leurs croyances. En butte à des persécutions, pendant un grand nombre d'années, ils vivaient dans l'isolement, ne voulant point pactiser avec ceux appartenant à la religion de l'État. Grâce à la liberté des cultes due à l'empereur Alexandre II, la nouvelle génération n'avait pas eu à se plaindre d'actes d'intolérance. Ivan Fedorovitch et sa femme étaient originaires d'une localité voisine de l'île de Solovetsk, dans le gouvernement d'Arkhangel. Note, Solovetsk, nommée aussi île Sainte, fait partie d'un archipel près de la côte de Karélie, baignée par la mer Blanche. Solovetsk est célèbre par son couvent, fondé par Saint Sosime et Saint Savati. Ce monastère, qui possède une châsse vénérée, a été visité par tous les monarques de la Russie. C'est un des lieux consacrés, tenu en grande vénération, pour les miracles qui, dit-on, s'y opèrent. Le couvent de Solovetsk, élevé par le tsar Pierre en siège indépendant, Lavra, ne relève que du Saint-Synode et du souverain. Fin de note. Depuis quelques années seulement, ils habitaient les bords du Volga. Mariés jeunes, ils avaient eu plusieurs enfants. Lorsqu'Ivan Fedorovitch m'eut donné ces détails, il ajouta « Il ne me reste plus qu'un fils et une fille ». Sa femme, qui avait gardé le silence pendant qu'il me racontait leur histoire, l'interrompit vivement et d'un ton de reproche dit « Ivan Fedorovitch, tu oublies notre pauvre Macha ». Note. Macha, diminutif de Marie. Fin de note. Il répondit sèchement « Cet hérétique n'existe plus pour moi, tu le sais bien ». Il se leva brusquement et sortit. Son fils le suivit. Resté seul avec la fille et la mère, j'interrogeai celle-ci sur le sens des paroles que venait de prononcer son mari. Voici ce qu'elle m'apprit. Macha, sa fille aînée, aussi pieuse que bonne et belle, s'était prise d'amour pour le fils d'un riche marchand de bois de Dubrovka qui, de son côté, l'aimait passionnément. La famille du jeune homme, bien qu'appartenant à l'église orthodoxe, n'avait opposé aucun obstacle à son union avec la fille d'un vieux croyant, et le père avait fait demander la main de Macha pour son fils. Note. Il est d'usage dans ces contrées d'envoyer des intermédiaires pour une demande en mariage. Fin de note. Ivan Fedorovitch refusa net, jurant qu'il donnerait sa malédiction à son enfant si jamais elle contractait cette union. Depuis ce jour, la paix cessa de régner dans la maison du vieux croyant. Le père traitait sa fille avec mépris et dédain, bien qu'elle fût son enfant préféré. La mère intervenait souvent, lui reprochant de rendre la vie dure à leur fille bien-aimée. Celle-ci souffrait et de son amour qu'elle devait cacher et de la perte de l'affection de son père. Elle dépérissait à vue d'œil, tomba malade et sa vie fut en danger. Pendant ce temps, celui qu'il aimait avait trouvé moyen d'avoir journellement de ses nouvelles, bien qu'il n'osa pas approcher de la maison du vieux croyant, craignant sa colère pour Macha. Mais l'amour rend ingénieux et le jeune orthodoxe le prouva. Entourée des plus tendres soins maternels, la jeune fille fut sauvée. Sa convalescence fut bien longue, son chagrin et son amour augmentaient de jour en jour. Depuis des mois, les amoureux ne s'étaient plus vus. Les rigueurs de l'hiver forcèrent la convalescente à rester enfermée chez elle. Celui dont elle était si tendrement aimée ne pouvait venir la voir. Le printemps arriva et ses beaux jours en amenèrent de bien tristes pour les deux amants. La guerre déclarée entre la Russie et la Turquie appela le jeune amoureux sous les armes. Mais il ne voulait pas partir sans revoir celle qu'il considérait toujours comme sa fiancée. Cédant à ses vives prières, la mère consentit à accompagner Macha chez les parents du jeune homme la veille de son départ. Le lendemain, au passage du bateau, le jeune conscrit devait s'embarquer pour Astrakhan, et de là se rendre au Caucase. Cette entrevue d'adieu fut bien pénible. Elle devint émouvante, surtout lorsqu'au moment de sortir de l'habitation, les deux femmes trouvèrent sur le seuil Ivan Fedorovitch. Le fanatique vieux croyant les avait épiés. Une scène terrible s'ensuivit. Le père défendit à sa fille de rentrer chez lui. Ni ses pleurs, ni les supplications de la mère ne l'attendrirent. Il fut inexorable et amena violemment sa femme avec lui. Laissée seule et abandonnée à elle-même, la pauvre jeune fille s'achemina vers le couvent le plus voisin. Elle y fut bien accueillie et promit de se faire religieuse. Pendant qu'elle se préparait à entrer en religion, la nouvelle de la mort de son fiancé lui parvint. Il était tombé lors de la prise de la forteresse de Kars par les Russes. La mère sanglotait en me racontant ces détails dont je fus moi-même fort émue. « Si vous voulez voir Macha, me dit-elle, venez avec moi au couvent demain, avant le lever du jour, pour assister aux matines. » Je le lui promis. Ensuite, la femme d'Ivan Fedorovitch me montra d'anciens livres de prières très volumineux, ornés de fermoirs en métal et écrits dans la vieille langue slave qui n'est pas parlée. Elle continua à m'entretenir des usages de ceux de sa croyance. Pour me faire comprendre à quel point ils sont austères, elle me raconta l'histoire du mariage de sa sœur qui avait épousé un vieux croyant de la communauté à laquelle elle appartenait. Comme d'après les lois, les enfants issus d'une union qui n'a pas été bénie par un prêtre orthodoxe ne sont pas légitimes. Cette femme insista pour que la cérémonie de son mariage fût célébrée dans une église régulière de l'État. Son fiancé y consentit au grand déplaisir de sa famille, qui voyait en cela une insulte faite à la communauté. Celle-ci se vengea sur les deux époux. À partir du jour de son mariage, le mari fut exclu des assemblées saintes. Il lui était défendu de franchir le seuil de l'église et devait se tenir sur les marches extérieures pour entendre de là les chants sacrés. La femme ne pouvait assister au service divin que placée dans une chapelle grillée qui est censée ne pas appartenir au temple. Tous deux devaient saluer avec humilité les assistants et demander pardon pour leurs offenses. Cette espèce d'excommunication dura plusieurs années. Enfin, pour se réhabiliter, ils consentirent à passer par l'expiation voulue, laquelle consiste à parcourir les rues pendant 40 jours et à se mettre à genoux devant ceux qui passent en implorant leurs prières. C'est ainsi qu'ils finirent par obtenir leur pardon pour la souillure dont ils s'étaient rendus coupables. Les vieux croyants sont très nombreux. On prétend que la moitié de la population russe professe les rites anciens. C'est surtout dans le nord, sur les bords du Don et du Volga, et à Moscou, qu'on en rencontre beaucoup. Parmi eux, il y a les plus riches marchands et industriels du pays. Depuis que la persécution a cessé contre les vieux croyants, ils se sont rapprochés de ceux qui appartiennent à l'Église de l'État. Leur sévérité aussi a diminué. Les plus austères, cependant, ont conservé les anciens usages et ils sont persuadés que le rite orthodoxe sera bientôt détruit. La lecture de l'Évangile est pour eux une occupation de tous les jours. On reconnaît un vieux croyant à la manière de faire le signe de la croix. Cet ennemi de la foi nouvelle ne fume pas, ne boit ni vin, ni eau-de-vie, ni thé, ou s'il en prend, il ne le sucre pas. Note, certains s'abstiennent du sucre, convaincus qu'on se sert du sang pour sa fabrication. Fin de note. Enfin, ils rejettent une foule de choses qu'ils croient datées du temps de l'antéchrist Nikon. Cependant, un grand nombre de ceux qui restent fidèles à la foi antique ne professent nullement ce rigorisme pour les choses matérielles et ils en font usage tout comme les orthodoxes. Il en est même qui ne croient pas se rendre impurs en approchant de leurs lèvres un verre dans lequel a bu celui qui n'est pas leur coreligionnaire ou de manger d'un animal qui n'a point été tué par un vieux croyant. Dans plusieurs villes sur les bords du Volga, à Moscou et dans d'autres localités, il y a de fort belles églises où les cérémonies antiques et l'ancien rite sont observés. Les vieux croyants ont une réputation de probité qu'on dit méritée. On les cite aussi comme étant industrieux, économes et d'une sobriété extrême. À Saint-Pétersbourg, la foi nikonienne est la dominante. Elle compte la plus grande partie de la noblesse et a bon nombre d'adhérents parmi ceux qui occupent des postes officiels et qui sont de l'entourage de la famille impériale. L'Église officielle a seul le droit de propagande dont elle ne manque pas de profiter. Les dissidences religieuses en Russie ont engendré un nombre si considérable de sectes qu'il serait difficile de les énumérer toutes. Note, on prétend connaître 72 sectes. Fin de note. À Dubovka même, une nouvelle secte s'est formée, dont les rites sont un mystère. On la nomme Niet Ofsi, dérivant de Niet, non, négation que les sectaires emploient pour toute réponse à quelle que soit la question. Ce sont des gens très tranquilles, ne parlant à personne, si ce n'est pour prononcer leur vocable, Niet. Ils s'occupent de jardinage, vendent leurs produits aux habitants du bourg. Même alors, Niet est leur seul mode de relation. Ils font secrètement de la propagande, ce qui donna lieu à un procès il y a quelques années. On n'en retira aucun éclaircissement sur leurs croyances. Ils firent preuve d'une énergie extraordinaire en conservant le mutisme le plus complet, malgré l'emprisonnement de quelques-uns pendant plusieurs mois. Ces trappistes d'un nouveau genre, pour unique réponse à l'interrogatoire, tournaient le dos au juge d'instruction. Lorsque les gendarmes les retournaient rudement vers les magistrats, ils se détournaient aussitôt avec un ensemble parfait. Cette scène, en se renouvelant, provoqua l'hilarité de toute l'assistance. Les séances du tribunal, tenues à Saratov, chef-lieu de la province, furent souvent interrompues par cette extraordinaire obstination des accusés, entravant ainsi l'instruction. Une fois même le président stupéfait et gardant mal son sérieux, dut lever la séance. Finalement, on exila les propagandistes têtus en Sibérie et l'on fit élever leurs enfants dans une maison pénitentiaire à Saratov. Parmi eux se trouvait une petite fille d'une dizaine d'années et son frère plus jeune, qui, au milieu de leurs petits camarades, gardèrent le silence pendant très longtemps, ne parlant qu'entre eux. Malgré les persécutions et l'exil, les Nieftovtsi n'ont fait qu'augmenter. Plusieurs régions des bords du Volga ont été choisies par différents sectaires pour s'y établir. Dans le gouvernement de Saratov, on cite parmi les sectes les plus récentes qui se sont formées celles des petits chrétiens, Malié Christianié, et des recenseurs, Chislenniki. Les petits chrétiens, en se détachant de l'église orthodoxe, se disaient appelés à remplir une mission divine. Ces fanatiques, au nombre de 16 seulement au début, se plongèrent dans le Volga, pris par les glaces, et après ce baptême, se donnèrent d'autres noms. Note, cette immersion eut lieu le 16 février 1868. Ils célèbrent cette date comme celle de la fondation de leur secte. Fin de note. Ils n'admettent ni prêtres ni images. En guise d'hostie, ils font des petits pains qu'ils consacrent eux-mêmes. Bien que persécutés par l'autorité, les petits chrétiens ont continué à faire des prosélytes. Les recenseurs doivent leur fondation à un paysan nommé Taras Maxim du village de Semenov. Cette secte clandestine célèbre ses mystères dans l'ombre. Elle ne reconnaît pas le dimanche comme le jour consacré par la religion. Pendant que le pape dit la messe, les sectaires se livrent à toutes sortes d'orgies auxquelles les femmes participent. Dans le gouvernement de Tambov, un simple soldat appelé Pierre Mironov fonda aussi une religion nouvelle, différente des précédentes. La mortification et l'abstinence étaient les préceptes principaux. Cette secte ne porta point de nom. Elle avait choisi pour chef une vierge élue par les adhérents et pour laquelle ces derniers professaient un culte mystique. Ils lui obéissaient aveuglément. Attaqués par ce qu'on considérait leur réunion comme ayant un but immoral, ils ont néanmoins continué à gagner des adeptes. Un autre groupe de sectes qui compte toutes beaucoup d'adeptes est formé par, premièrement, les Dushoborci, lutteurs de l'esprit. Deuxièmement, les Skopci, eunuques. Troisièmement, les Molokans, buveurs de lait. Quatrièmement, les Klisti, flagellants. Les Dushoborci n'admettent aucune forme extérieure de culte. Ils nient le Saint-Esprit, n'ont ni église, ni prêtre, ni texte sacré, ni image. Note, ils nient le Saint-Esprit. C'est la négation de l'existence du Saint-Esprit qui leur a valu l'appellation de Luther de l'Esprit. Un grand nombre de ces dissidents, exilés au Caucase, ont fondé une colonie à Slavyanka dans le gouvernement d'Elisabeth Paul. J'eus l'occasion de les visiter. Ce sont tous de laborieux agriculteurs. Une entente parfaite règne entre eux. Ils jouissent de beaucoup de bien-être dû à leur amour pour le travail. Leur chef est une femme qu'ils vénèrent et qui les dirige. Fin de note. Ils se réunissent dans la maison de l'un des plus vénérables parmi eux, tant pour s'entretenir de choses concernant leurs croyances que pour célébrer soit une naissance, un mariage, soit une cérémonie mortuaire, ce qui se fait de la manière la plus simple. Ils n'attachent aucune importance à la lettre. Dieu, disent-ils, est dans leur cœur et ils l'adorent partout où ils se trouvent. Ce sont des gens paisibles, honnêtes et fort attachés à leurs croyances. Les Molokans comptent le plus d'adhérents. Ils répudient le clergé et l'Église. Leurs exercices religieux se bornent à la lecture de l'Évangile en commun. Les uns prétendent qu'ils tirent leur nom du cours d'eau Molochnaya, fleuve de lait, qui se jette dans la mer d'Azov et au bord duquel sont situés plusieurs villages habités par ces dissidents. D'autres disent que n'observant aucun jeûne, cette dénomination leur a été donnée parce qu'ils font usage de l'étage les jours d'abstinence. Ils reconnaissent le Christ comme homme, mais nient sa divinité. Hommes et femmes sont de rudes travailleurs. Au Caucase, ils rendent de grands services. Ils sont sobres, honnêtes et ne jurent jamais. On trouve souvent parmi eux les gros bonnets de la localité. Les Skotsi forment la secte la plus étrange. Ils se nomment Bieli Golubi, colombe blanche. Mais leurs antagonistes les désignent sous le nom bien moins poétique de Nuk. Ils considèrent le tsar Pierre III comme leur grand prêtre et prétendent qu'il vit caché parmi eux et que le récit de sa mort n'est qu'une fable. Ils croient en un messie qui s'est révélé sous la figure de ce tsar, dont ils attendent toujours l'avènement. Les colombes blanches, en se mutilant volontairement, espèrent par là gagner le ciel. Tous poussent ce fanatisme au plus haut degré. Ils s'abstiennent de tout régime fortifiant. Les plus austères ne mangent même jamais de poisson et ne se nourrissent que de laitage, de légumes et de pain. Ils ne prennent aucune boisson alcoolique et ne fument point. On trouve parmi eux des jeunes gens. Il leur est défendu de faire des prosélytes, mais ils y réussissent souvent en payant de fortes sommes. Les Skopti ont la face blême et imberbe, la voix flûtée comme celle d'un enfant, les mouvements lents, manquant d'énergie et de force. Jadis exilés au Caucase, il leur est permis maintenant de demeurer librement dans toutes les villes de la Russie. Note. Exilés au Caucase. À cette époque, un grand nombre était établi sur les rives du Rion. Lors de mon passage à Orpiri, localité située entre Tiflis et Poti, je passai la nuit chez la famille d'un de ces sectaires qui m'accueillit avec une extrême bienveillance. Fin de note. À Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Kertch, etc., il y en a beaucoup. Ce sont ordinairement des banquiers, des changeurs ou des orfèvres excessivement riches. Ils s'entraînent dans toutes les occasions. Les Skopti n'ont point d'église. Ils choisissent une Vierge et un Christ vivant qu'ils vénèrent. Ils célèbrent les cérémonies de leur culte en secret. Leur croyance dans une prophétie prédisant que le Christ lui-même régnera sur eux lorsque les néophytes auront dépassé le nombre de 300 000 explique leur zèle à faire des prosélytes. Note, cette secte est parmi celles qui sont reconnues les plus dangereuses et dont le prosélytisme est puni par les travaux forcés et l'exil en Sibérie. Fin de note. La secte des flagellants date de 1645. Elle fut fondée dans le gouvernement de Kostroma, une des provinces voisines du Volga, par un paysan, Daniel Filipitch, qui se faisait passer pour Dieu. Il choisit un fils, une vierge et 12 apôtres. Ses adhérents prirent le nom de peuple de Dieu. Poursuivis à outrance, leur nombre augmenta en dépit des persécutions et il y a peu de localités où l'on ne trouve encore quelques-uns de ces sectaires. Leurs dogmes principaux sont l'abstinence, le jeûne et la flagellation que les membres de la communauté s'infligent réciproquement. La demeure du fondateur de cette secte nommée la Maison de Dieu, située dans le village de Staroy, est toujours un but de pèlerinage pour les fidèles flagellants. Le besoin de foi religieuse est un des traits caractéristiques du peuple russe. Cependant, on a bien de la peine à comprendre l'aberration d'esprit où il le conduit. Chapitre 29, deuxième étape, deuxième partie. Journellement, de nouvelles sectes se forment. Parmi elles, on peut citer celle des réfractaires de l'impôt, qui prit naissance à Kazan et s'étendit dans le gouvernement de Viatka, à proximité de la frontière asiatique de la Russie. Ses adeptes refusaient de payer les impôts, en disant que leur conscience et leurs idées religieuses ne le permettaient pas. Une autre secte peu nombreuse, mais non moins bizarre, est celle des Napoléoniens. Leur dieu est Napoléon Ier, qu'ils considèrent comme un sauveur qui doit un jour délivrer les Slaves du régime existant. Ils tiennent leur réunion à huis clos. Dans leurs habitations, ils ont un autel. L'effigie devant laquelle ils se prosternent est le portrait de Napoléon Ier qui, on le sait, fut le plus grand ennemi de la Russie. Je mentionnerai encore une dernière secte, toute récente, fort peu connue et qui compte un très petit nombre d'adhérents. C'est celle des Molchaniki, les silencieux, qui s'est formée dans le gouvernement de Saratov. Ces sectaires n'admettent aucun nom personnel et font vœu de garder le silence autant que possible. Ils nient la Trinité, mais ont une idée vague d'un Dieu créateur. On avait commencé à les persécuter parce qu'ils refusaient d'expliquer leurs croyances. Mais plus tard, après en avoir reconnu le caractère inoffensif, on les laissa tranquilles. Après cette rapide esquisse, dans laquelle je n'ai fait qu'effleurer un sujet inépuisable sur lequel il y aurait tant de pages intéressantes à écrire, revenons à Dubovka. Avec ses jolis chalets entourés de jardins, non loin de la rive du Volga, son aspect est ravissant. La construction la plus remarquable est un moulin où l'on broie le sel provenant du lac Elton. Dubovka est un marché pour les bois de chauffage et de construction qui arrivent par le Volga sur d'énormes chalands de bois blanc, non peints, nommé Bielani. Note du mot Bieli, blanc. Fin de note. À proximité de Dubovka se trouvent deux couvents de femmes qui, s'il faut en croire la chronique scandaleuse, est trop assidûment visitée par le clergé noir des environs. Les saints pères, dit-on, y oublient souvent les lois ecclésiastiques qui ne leur donnent pas les mêmes droits qu'aux clergés blancs, dont ils envient sans cesse l'heureux privilège. Le clergé noir et le clergé blanc forment deux classes distinctes. Le premier doit son nom à la couleur des vêtements que portent ceux qui appartiennent à cette catégorie de moines, dont le nombre est évalué au-delà de 10 millions dans l'Empire des Tsars. Note. Ce chiffre a diminué par suite de la fermeture de certains couvents. En 1873, le ministre Gortchakov avait fait compter le nombre de prêtres et de moines, qui s'élevait à 7 millions. D'après le dernier recensement, il y a 6 millions de moines en Russie. Fin de note. Les monastères que peuplent ces religieux se trouvent principalement dans la Grande Russie. Partout dans ces régions, on voit les vertes coupoles surmontées de la croix dorée s'élever sur les églises de ces riches couvents qui, pour la plupart, renferment d'inestimables trésors. Jadis, ces cloîtres servaient de lieux de refuge et de forteresse aux habitants des villes assiégées par des ennemis. Chacun y apportait ses trésors, cachant ce qu'il avait de plus précieux dans les caveaux. Le plus souvent, toutes ces richesses restaient au sanctuaire qui avait abrité ceux auxquels elles appartenaient. La grande quantité de couvents dans cette partie de la Russie s'explique par les attaques constamment renouvelées de hordes tatares et des brigands qui infestaient le pays. Ne pouvant se défendre elles-mêmes, beaucoup de familles, en se mettant sous la protection des églises, élevaient à proximité de ces édifices sacrés les habitations qui formèrent le noyau d'un nombre considérable de maisons monastiques dont, avec les terrains environnants, elles devinrent la propriété. Plus tard, ces demeures claustrales se développèrent et il y en a actuellement qui, par leur importance, richesse et étendue, représentent de véritables états indépendants, ne relevant pas des diocèses où ils se trouvent, mais étant en rapport direct avec le pouvoir central de l'Église russe. Tels les célèbres couvents de Troïtsa, près de Moscou, de Solovetsk, non loin d'Arkhangel, et d'autres encore. Note: Troïtsa, ces deux monastères comptent parmi les lieux de pèlerinage les plus vénérés. Ces établissements monastiques ne sont pas tous seulement des maisons de prière. Bien des métiers s'y exercent, et particulièrement la peinture des images, icônes, source de grands bénéfices pour ces couvents. La direction des cloîtres est confiée au clergé noir. Ces prélats y remplissent les plus hautes charges et leur pouvoir est illimité. Malgré sa toute-puissance, le clergé noir jouit de peu de sympathie. Principalement dans la classe élevée, les moines ne sont guère en odeur de sainteté. Tous les membres du clergé noir, quel que soit leur rang, doivent prononcer des vœux et porter le froc. Ils sont liés par serment au célibat. Le Saint-Synode est uniquement composé du clergé noir, sauf l'aumônier principal de l'armée et le confesseur de l'empereur qui appartiennent au clergé blanc. Les dignités les plus élevées sont réservées aux moines. Le clergé blanc occupe une place plus modeste dans la hiérarchie ecclésiastique. Note, ce clergé séculier n'appartient à aucun ordre religieux. Fin de note. Aucun de ses membres n'est admis au conseil du Saint-Synode, excepté les deux prêtres susmentionnés. Le célibat est interdit au pope et ils doivent se marier pour obtenir une cure. Ils accomplissent toutes les cérémonies religieuses ayant rapport à la vie privée de leurs paroissiens. Ils baptisent, marient, confessent, etc. Présents à tout événement heureux ou triste, ils vivent dans l'intimité du peuple qui les considère comme les amis de la famille. Ceci est surtout le cas dans les centres où les nombreuses sectes ne se sont pas développées. La position pécuniaire de ces prêtres n'est pas toujours des plus heureuses. Celle du pope de Dubovka m'en offrit un exemple. Père de 9 enfants et ne retirant que très peu de profit de ses ouailles, un nombre limité d'orthodoxes habitant la localité, ses ressources n'étaient guère brillantes. Les régions du Volga sont surtout intéressantes pour qui veut voir le peuple russe chez lui. Ayant été invité à prendre le thé chez le starosta de Dubovka, j'en eus l'occasion. Le starosta, maire, est le personnage le plus important de toute la localité rurale, petite république qui se gouverne elle-même, choisit son chef à son tribunal où se discutent et se jugent les intérêts publics. Le starosta, élu par la commune, est ordinairement un riche habitant du pays. Cette charge est le plus souvent honorifique et celui qui la remplit ne reçoit aucune rémunération pour tous les ennuis qu'elle lui crée. Car il est responsable de tout ce qui cloche dans le village. Note, dans certaines communes, le starosta reçoit une rémunération qui est votée tous les ans par l'assemblée communale. Plusieurs villages forment un bailliage dont le chef, Golova, est choisi par un suffrage restreint tous les 3 ans. Fin de note. Le mandat de cet officier civil dure 3 ans. Cependant, le même individu remplit parfois, pendant un quart de siècle et même jusqu'à sa mort, ses fonctions de premier magistrat. Cette dignité, quelquefois disputée par plusieurs, est refusée par d'autres, trop occupés de leurs intérêts privés. L'étranger, de passage dans un village, est sûr de voir toutes les difficultés aplanies s'il s'adresse au starosta qui ne manque jamais de l'accueillir hospitalièrement. Pour me faire les honneurs, le maire avait réuni la fine fleur du pays de Dubovka. Le pope, sa femme et sa nombreuse progéniture formaient le groupe principal. La société laïque était représentée par les marchands de bois les plus huppés de l'endroit, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. La famille du starosta se composait de son épouse, de 4 filles et du fiancé de l'une d'elles. Pendant que les plus jeunes, assises devant un métier, étaient occupées à jeter la trame d'un tapis, cadeau de noces pour leur sœur, les autres aidaient leur mère aux préparatifs du tchaï. Note, Dubovka fournit une spécialité de tapis fabriquée par les paysannes russes, à l'instar de ce que font les Tatars, mais plus grossiers, en haute laine, épais et chaud. L'une d'elles, après avoir soigneusement frotté des cuillères et des verres avec une serviette au bout brodé de rouge et orné de dentelle, les mit dans des soucoupes rangées sur un plateau. Note, en Russie, on prend ordinairement le thé dans des grands verres. Dans la classe élevée, on se sert d'une espèce de support à manches où l'on met le verre trop chaud pour pouvoir le toucher de la main. Les gens du peuple versent le thé dans la soucoupe, la soutenant sur les doigts pour boire. Fin de note. Note, bout brodé de rouge et orné de dentelle, les paysannes russes font des broderies et des dentelles ravissantes. Fin de note. Une autre garnissait de fines tranches de citron une assiette en verre et remplissait un sucrier de gros morceaux de sucre. Pendant ce temps, la mère surveillait avec une sollicitude minutieuse et toute particulière les progrès du samovar fumant dont l'état d'ébullition arrivait peu à peu au bouillonnement voulu. En attendant le moment décisif pour tourner le robinet de la gigantesque bouilloire, ce brillant trophée de la ménagère russe qui est considéré par elle comme le plus bel ornement de sa maison, la femme du starosta caressait du regard cette source de plaisir pour elle et ses invités. Dans tous les intérieurs russes apparaît plusieurs fois par jour le samovar autour duquel se réunissent les membres de la famille. L'opulent comme l'indigent voit apporter avec le même contentement l'eau bouillante pour le tchaï. C'est partout une très grande préoccupation, une grosse affaire, que de le préparer et surtout de le prendre. Après que la femme du maire eut fait infuser le thé, elle demanda à chacun de nous comment elle devait le sucrer, en opposant cette question à ses originales. Voulez-vous prendre le thé en imitant le sucre? Où voulez-vous mordre le sucre? Les uns préférèrent le sucre dans le verre, Les autres le mirent sur la soucoupe en le mordant de temps en temps pendant qu'il buvait. En les voyant boire, je me souvins qu'on cite plusieurs manières employées par le peuple et le paysan pour sucrer cette boisson favorite des Russes. Note, on dit que dans certaines campagnes, les paysans pauvres attachent un morceau de sucre à une ficelle et, à tour de rôle, chacun y passe un doigt humide qu'il lèche avant de boire. Ceci rappelle le lard des villageois de la Vénétie qui pend au-dessus de la table commune et sur lequel il frotte la polenta, bouillie de maïs, pour la graisser. Fin de note. Chacune définit en quelque sorte le caractère du buveur. Le premier boit son thé en y mettant du sucre en abondance, sans souci de la dépense. Ce mode de sucré s'indique par ces mots « pit ve nak ladku ». Note, qui veut dire « boire en sucrant ». Le second se contente d'ingurgiter plusieurs verres de thé non sucrés en mordant de temps en temps un morceau de sucre placé sur la soucoupe. Cela se dit « pit ve prikusku ». Note, boire en mordant. Fin de note. L'un à chaque gorgée effleure délicatement de la langue un morceau de sucre. C'est le pit vi priliscu. Note, boire en léchant. Fin de note. L'autre ne touche même pas au sucre. Il se borne à le contempler en buvant. Cette manière se rend par pit vi prigliatku. Note, boire en contemplant. Il faut en vérité avoir beaucoup d'imagination pour sucrer ainsi son thé. Le dernier, enfin, boit en rêvant aux superbes morceaux de sucre qui brillent par leur absence à côté du samovar. On l'avouera, c'est le vrai comble de l'imagination. Cela s'exprime par pit ve pridumku. Note, boire en rêvant. On pourrait donc classer ainsi les buveurs de thé. Premièrement, les prodigues. Deuxièmement, les mordants. Troisièmement, les superficiels. Quatrièmement, les contemplatifs. Cinquièmement, les rêveurs. Je n'avais pas oublié ma visite au couvent de Dubovka, où devait me conduire la femme du vieux croyant, Ivan Fedorovitch. D'après ce qui avait été convenu, elle vint me voir chez le starosta, lequel était précisément le père du jeune homme qui avait demandé la main de Macha. Profitant du départ de son mari, qui devait s'absenter pour affaires, c'était toujours à la dérobée qu'elle allait voir sa fille au couvent. Notre excursion matinale resta fixée au lendemain. Je passai la nuit dans la demeure du starosta, où je trouvai tout le confort désirable, joint à la plus minutieuse propreté. Fidèle au rendez-vous, la femme d'Ivan Fedorovitch vint me prendre et nous montâmes dans une troïka attelée de 3 vigoureux chevaux et conduite par le futur gendre du starosta. C'était à l'aube. À travers la lueur encore incertaine du jour, je pouvais distinguer vaguement, au loin, dans le nimbe rosé, les coupoles et les croix du monastère où nous nous rendions pour assister à l'office des matines. La pureté du ciel me permettait de voir se dérouler le paysage qui, ce matin-là, n'était pas caché par les brouillards très fréquents en automne dans cette région. Les rives verdoyantes du Volga se dessinaient peu à peu dans le lointain, coupées par les eaux onduleuses du grand fleuve. L'air était imprégné de senteurs délicieuses. Les chevaux rasant le sol, je trouvais que notre troïka avançait trop rapidement et que la vitesse de la course m'empêchait de jouir entièrement du calme harmonieux de cette belle matinée. Nous nous trouvâmes bientôt devant le couvent. Cet édifice n'a rien de monumental. Je fus prise en y entrant d'une impression de tristesse en songeant à celles qui ont fait vœu d'y passer leur vie. La cloche tintait lentement. Ce n'était pas le carillon joyeux des jours de fête. On eût dit qu'elle voulait amortir son timbre pour ne pas tirer brusquement la nature de son assoupissement. Seule ma compagne et moi, nous pénétrâmes dans l'église froide et déserte qui se trouve au centre de la construction claustrale. Le sanctuaire était presque plongé dans les ténèbres. Quelques cierges à lumière vacillante, placés devant des images byzantines, luttaient à peine contre l'ombre environnante. Aucun son, aucun bruit ne frappait mon oreille. Je cherchais en vain une note révélant la vie dans cette morne solitude. La femme du vieux croyant se prosterna et pleura. Les larmes de la pauvre mère, regrettant son enfant, perdu pour elle et le monde extérieur, m'émurent vivement. Je sentis dans cette circonstance combien la véritable douleur est touchante. Prise de compassion pour cette mère et sa fille, victimes du fanatisme religieux de leur famille, je me laissai aller à de tristes pensées. J'en fus bientôt distraite en entendant des pas légers. Une vingtaine de nonnes, habillées de longs vêtements noirs et la tête enveloppée dans de sombres voiles cachant leur visage, défilaient une à une par la porte centrale dans le plus grand recueillement. Elles vinrent se ranger des deux côtés de l'iconostase. Quelques instants après, la porte s'ouvrait de nouveau pour donner passage à la supérieure. Elle portait un capuchon blanc et une robe traînante qui drapait son corps amaigri par le jeûne. Elle vint occuper sa place réservée sur la plateforme élevée près de l'iconostase. Un moine prêtre, revêtu d'habits sacerdotaux, sortit du sanctuaire et commença l'office. Note, dans chaque église, des moines sont attachés pour le service divin et pour la confession des religieuses. Fin de note. De temps en temps, ces litanies récitées d'une voix nasillarde étaient interrompues par le chant monotone des religieuses, parmi lesquelles je distinguais quelques voix fraîches révélant la jeunesse. Ma compagne, reconnaissant celle de sa fille, me dit: « Entendez-vous, Macha, qui chante? Que sa voix est douce !» Comme les offices de ces couvents durent longtemps, surtout les matines, j'avoue que ma curiosité satisfaite, j'attendais avec impatience que le service fût terminé. Enfin, le moment vint où la supérieure et les religieuses se retirèrent dans le même ordre qu'à leur entrée. Lorsqu'à notre tour, nous quittâmes l'église, l'aurore avait déjà fait place au jour. Il ne fut pas permis à la femme d'Ivan Fedorovitch de voir sa fille, ce jour-là étant strictement observé pour le jeûne et les prières. Ce n'est pas seulement dans les lieux consacrés à la religion qu'un grand nombre de jours d'abstinence sont suivis sévèrement. Le peuple russe vit la moitié de l'année dans la pénitence, la loi du jeûne étant fort rigoureuse. 7 semaines avant la fête de Pâques, 1 mois et demi avant la Noël, le mois qui précède la Saint-Pierre et une autre 15aine au mois d'août sont les principales époques de mortification. Outre le mercredi et le vendredi de chaque semaine, il y a encore une multitude d'autres jours d'un ascétisme austère. Toute friandise est défendue pendant les grands carêmes. Les plus sévères ne mettent même pas de sucre dans leur thé. Note, on sait que les os d'animaux sont employés pour la fabrication du sucre. Ils le remplacent par du miel ou bien ils mangent quelques grains de raisin secs en buvant du thé. Pour le café, ils le coupent avec du lait d'amande au lieu d'y mettre de la crème. Du poisson salé, du pain et du kvass composent la nourriture du peuple. Note, kvass. Cette boisson fermentée se fait avec du pain ou avec des fruits. Chaque famille fabrique son kvass à sa façon. C'est le breuvage national par excellence dans toutes les classes. Fin de note. Certains jours, le poisson n'étant pas permis, on ne mange que des haricots blancs assaisonnée de poivre et de sel. L'habitude des pèlerinages est dans les goûts du peuple russe. Il y a des familles entières qui font le tour de toutes les Russies, allant d'un monastère à un autre et couronnant leur pieuse tournée par un voyage à Jérusalem. Une époque de jeûne est généralement celle préférée pour accomplir un pèlerinage. Comme il y a des carêmes dans toutes les saisons, les fidèles n'ont qu'à choisir. Les couvents de Dubovka sont souvent visités par des pèlerines. Elles y mènent la vie claustrale, suivent tous les exercices religieux des nonnes et se lèvent avant l'aube pour assister aux matines. À peine ce service est-il terminé que la première messe du matin commence. Elle dure environ 2 heures. Après maintes génuflexions, hymnes et prières, quelques pèlerines, des moins austères, se permettent de prendre un verre de thé. Mais les plus ferventes restent agenouillées dans l'église en attendant la célébration de la grand-messe, qui est l'office principal de la journée. À la fin de cette cérémonie, la cloche appelle les nonnes au réfectoire. C'est aussi le signal pour les pèlerines qui peuvent alors les suivre pour partager leur repas. Celui-ci terminé, des cantiques sont entonnés par les religieuses. Ensuite, elles se retirent dans leurs cellules. Ces nonnes font tout genre d'ouvrages de broderie, dentelles, etc. pour être vendues au profit du couvent. Dans l'après-midi, les offices religieux reprennent pour les vêpres qui durent plusieurs heures. Les religieuses psalmodient encore des hymnes. À peine ce service est-il terminé que les secondes vêpres commencent. Finalement, comme le matin, la cloche sonne pour le repas du soir qui consiste ordinairement en thé et en pain noir. L'hymne de grâce clôt la journée et un repos bien mérité est accordé au personnel du monastère. Chapitre 29, troisième étape, Kamichin. La demande en mariage, us et coutume, les environs de Kamichin. Une noce, le brouillard. Au fur et à mesure que l'on remonte le Volga, ses bords deviennent plus accidentés. La rive droite est montagneuse, tandis que la rive gauche est parfaitement plate. Entre Tsaritsyn et Dubovka, là où l'Ashtuba se sépare du Volga, les steppes sont interrompues par un bois très touffu, divisé en terrasses. Note. Là où l'Ashtuba se sépare du Volga. Les géographes ne sont pas d'accord à ce sujet. Quelques-uns soutiennent que l'Ashtuba et le Volga ne forment qu'un même cours d'eau. Fin de note. Plusieurs sources ferrugineuses et salines très efficaces y coulent. Beaucoup de malades des alentours viennent chercher là des soulagements. On prétend que des cas de cancer, à la première période, ont été guéris par des compresses de la boue saline de ces terres. Un médecin philanthrope, le docteur Leta Shinsky, établi sur les lieux, passe pour faire beaucoup de cures merveilleuses parmi les pauvres du voisinage. Au-delà est le village de Dinavka, dont les vergers et les jardins produisent des fruits excellents et des fraises à profusion. M'étant arrêté à Dinavka quelques heures, je fus témoin d'une scène fort originale. Chez les paysans, la demande en mariage se fait par l'intermédiaire de connaissances. Celui qui a jeté les yeux sur une jeune fille envoie quelques-uns de ses amis chez les parents de celle-ci pour demander sa main. Pendant ma promenade dans le village, je vis 3 campagnards, la poitrine ceinte d'une écharpe bigarrée, entrer dans une chaumière. J'appris que c'étaient des envoyés matrimoniaux qui se présentaient au nom d'un riche fermier, lequel s'était amouraché de la fille du logis. L'écharpe qu'ils portaient, indiquant leur mission, des groupes curieux les suivaient à distance. Chacun faisait des conjectures au sujet du nom de celui dont ils étaient les émissaires. Les personnes qui m'accompagnaient entrèrent avec moi dans la chaumière pour que je fusse témoin de la comédie qui allait se jouer et dans laquelle la jeune fille remplissait le rôle d'ingénue, rôle qu'elle joua en artiste, dit Primo Cartello. Aussitôt qu'elle vit entrer les envoyés, elle comprit ce dont il s'agissait et prit son air le plus innocent, affectant un maintien timide sans jeter les yeux sur les messagers de celui qui briguait l'honneur de lui donner son nom. Elle s'avança lentement vers le grand poêle badigeonné que l'on voit dans toutes les chaumières de cette partie de la Russie et, d'une manière distraite, se mit à gratter avec les ongles la chaux qui couvrait la surface du mortier. Note. J'appris que c'est là un usage de rigueur et que toute jeune fille qu'on vient demander en mariage ne manque pas de gratter le mortier du poêle pour se donner une contenance. Fin de note. Ne bougeant pas de sa place et continuant ce manège, pendant tout le temps que dura la conversation entre ses parents et les ambassadeurs matrimoniaux qui débattaient les conditions du mariage, la fine Campagna ne perdait cependant pas un mot de ce qu'il disait. Aussitôt qu'ils furent sortis, elle cessa de gratter. Les unions s'arrangent sans que l'on consulte la jeune fille, et souvent on lui annonce qu'elle va se marier sans qu'elle connaisse son futur. Ce n'est parfois que le jour des fiançailles qu'elle voit pour la première fois celui qui lui est destiné. Pour annoncer qu'elle est fiancée, la jeune fille, coiffée d'une couronne de fleurs, ornée d'une multitude de rubans flottants de toutes les couleurs, et accompagnée de ses amis, fait le tour du village. Elle s'incline profondément devant chaque personne qu'elle rencontre et se prosterne devant celle auquel elle doit de la déférence. À ceux qu'elle veut inviter à la noce, elle offre des petits pains ronds, ornés de tout genre de dessins et faits pour la circonstance. Aussitôt, après les fiançailles, les préparatifs pour la noce commencent. On engraisse la volaille et principalement les porcs, qui sont ce que le paysan russe a de plus précieux. Note. Les mariages chez les paysans se célèbrent ordinairement après les récoltes vers le mois d'octobre. Fin de note. À ce sujet, on me raconta un fait qui se passa dans le village même où je me trouvais. Une paysanne, ayant fiancé son fils, avait déjà fait tuer les porcs qui devaient figurer au repas de noces. Elle se rendit chez le pope de Dinovka pour annoncer le mariage. Après s'être renseignée sur le nom du fiancé, le curé consulta les registres de la paroisse pour savoir l'âge du futur. La date de la naissance de celui-ci indiquant qu'il manquait quelques semaines encore avant qu'il eût atteint l'âge voulu par la loi. Le pope dit à la mère qu'elle devait différer jusque-là l'union de son fils. Mais celle-ci insista vivement pour que la noce fût célébrée immédiatement. Sur le refus du pope, elle le supplia instamment d'accéder à son désir. Mais il fut inexorable. À bout de prières et tout en pleurs, elle se jeta à ses genoux en s'écriant « Batouchka, ce n'est pas à cause de mon fils que je me tourmente, mais j'ai déjà tué les cochons pour le repas de noces, et il ne se conservera pas tout à fait frais si longtemps. » Note. On me raconta que chez les paysans de certaines localités de la petite Russie, il existe une autre coutume fort singulière. Lorsqu'un nouveau marié trouve qu'il n'a pas épousé une jeune fille pure, le lendemain de la noce, la mère est punie pour n'avoir pas sauvegardé la vertu de sa fille. Comme châtiment, on la promène dans le village, portant au cou le harnais d'un cheval. Fin de note. Le jour suivant, j'atteignis Kamitchin, petite ville renommée pour ses pépinières qui fournissent des arbres fruitiers à tous les autres jardins de cette région. Dans toute la contrée environnant Kamitchine, on retrouve d'anciennes monnaies tatares et russes du temps de Stienka Razine. Quand ces hordes étaient forcées de fuir, elles cachaient leur argent dans l'espoir de le reprendre au retour. En approchant de Kamitchine, on rencontre à chaque pas un souvenir de cette héroïque révoltée. C'est là qu'est située la caverne où il se cachait si bien qu'on ne parvint jamais à l'y saisir. Le sol menaçant de s'écrouler et de la combler, on y a placé des piliers qui lui ont fait perdre son caractère d'antiquité. Les crédules croient y entendre la voix de Stienka Razine répéter la promesse qu'il avait faite de délivrer les Russes de l'esclavage. Un matin, au lever du soleil, du haut d'un promontoire, avançant dans le Volga, il harangua sa horde d'une voix éclatante. Prenant le soleil et le fleuve à témoin, il jura de rester fidèle à la Russie et de mener son peuple à la liberté. Le despotisme, qui souvent finit par lasser et abattre les plus énergiques, n'eut aucune prise sur ce plébéien remarquable que nul obstacle ne pouvait arrêter. Aussi, sa mémoire est-elle demeurée vivante parmi ceux qui ont vu se réaliser ses serments 2 siècles plus tard. Note, le dramaturge Tolstoï a écrit une pièce fort connue intitulée Stienka Razine. Fin de note. Kamitchine, petite ville de district, offre, somme toute, très peu d'intérêt. Pour les chasseurs, ses environs sont un véritable pays de cocagne. Le gibier est très abondant, et si les perdreaux ne tombent pas tout rôtis dans la bouche, on peut, en certains endroits, les prendre avec la main. À mon arrivée, Kamitchine était plein de bruit et d'animation. On célébrait le mariage de la fille d'un des popes de la ville. Suivant la coutume, la cérémonie ne devait avoir lieu que le soir. Mais cette journée de noces donnait l'occasion d'une fête générale dont je fus satisfaite de pouvoir être témoin. Je suivis la foule endimanchée, dont une partie se rendait au cabaret pour boire et l'autre sur la pelouse pour danser. Ce n'est qu'aux grandes occasions que l'on voit les femmes vêtues du costume national qui est des plus jolies. Ce jour-là, la plupart étaient coiffées du kakochnik. Elle portait la chemise blanche, le corsage et la jupe de couleur. La mise des hommes avec le long caftan, le bonnet fourré, les hautes bottes étaient plus sévères. Les jeunes gens avaient des chemises de soie coloriées qui tranchaient vivement au milieu de l'accoutrement sombre des autres. Le cabaret où une quantité de verres de vodka sont constamment débités, me tentant comme une étude de mœurs, j'y entrai. Des hommes à longue barbe, dont la physionomie dénotait plutôt le patriarche vénéré que le buveur insatiable, buvaient sans relâche, s'exaltant, riant aux éclats, chantant de gais refrains au fur et à mesure qu'ils vidaient de nombreux pots d'eau-de-vie. Ce spectacle me parut navrant. Pour m'en distraire, je me rendis sur la pelouse auprès des danseurs. Un grand nombre, jeunes et vieux, s'y trouvaient réunis. Plusieurs paysans, jouant du chalumeau, formaient l'orchestre. Les danses du peuple russe sont très caractéristiques et empreintes, comme les chansons, d'un certain cachet de langueur et de mélancolie. La plupart sont des poses et des gestes plutôt que des pas. Dans la plaine de Kamitchine, plusieurs groupes de jeunes filles se tenaient d'un côté et les hommes de l'autre, en attendant le moment où les couples devaient se former. Pour inviter une danseuse, le cavalier s'avance, agite son bonnet et s'incline. Si la dame accepte, elle lui offre un coin de son mouchoir dont elle tient l'autre et il s'éloigne au son du chalumeau en tournoyant lentement avec la plus impassible monotonie. Ce tournoiement me parut être la danse principale. Cependant, on en exécuta d'autres encore. Ce divertissement se prolongea jusqu'au soir. Les danseurs se retirèrent joyeusement, accompagnés des joueurs de chalumeaux qui continuèrent le même refrain jusqu'à l'église où tous se rendirent pour assister à la bénédiction nuptiale. Je les suivis et je vis entrer les futurs accompagnés d'un cortège nombreux de parents et d'amis. La fiancée était habillée de blanc. Le fiancé, un employé du gouvernement, portait l'habit noir et la cravate blanche. Leur escorte formait un mélange aux costumes les plus variés. L'église regorgeait de monde. Plusieurs popes des villages voisins étaient venus pour assister à la cérémonie. Ils avaient conduit avec eux leurs femmes et leurs enfants. Tous les offices dans les églises orthodoxes durent un temps infini. Le service de mariage ne fait pas exception. Pendant la cérémonie, les deux garçons d'honneur, placés derrière les futurs, tiennent chacun une couronne au-dessus de leur tête. Vers la fin du service, le prêtre prend ses couronnes et les pose sur l'autel. Note : dans beaucoup de localités, l'usage veut que les nouveaux époux sortent de l'église couronnés et restent ainsi pendant le repas de noces. Parfois, il y a des couples qui gardent pendant une semaine entière les couronnes grisocales qui appartiennent à l'église et qu'ils rapportent en échange d'une bénédiction. Fin de note. Seuls les amis intimes furent invités au souper qui eut lieu chez le pope, père de la mariée. Je fus du nombre. Le révérend me donna la place d'honneur à côté de lui. Je le complimentai sur le souper qui était excellent. « Oh ! Me dit-il, nous n'en avons pas souvent de pareils. Je suis pauvre et tout ce que vous voyez sur ma table, ce sont des présents que l'on m'a fait à l'occasion du mariage de ma fille qui est l'aînée de 5 autres. » Les popes de paroisse ne sont en effet pas riches, surtout ceux des villages. Généralement, ils ne diffèrent guère des paysans, car ils travaillent comme eux, cultivent leurs champs et vivent en grande partie du produit de ce dernier. Souvent, ils sont aidés dans cette besogne par leurs ouailles, qui ne manquent pas non plus de leur offrir des dons de tout genre, non seulement aux occasions officielles, telles que naissance, baptême, mariage, mais à tout instant, ils fournissent la table du pope de volailles, de légumes, de fruits, etc. Le prêtre de campagne est partout considéré comme l'ami de ses paroissiens. On compte en Russie environ 612 000 popes de paroisse qui sont tous mariés. Le lendemain de ce jour de noces, je continuai ma route. Après Kamichin, on voit plus loin, à peu de distance l'une de l'autre, 3 colonies allemandes, Solothaï, Rovra et Sarnavka. Les colons assidus et travailleurs leur donnent une grande prospérité. Dans cette saison, le brouillard sur le Volga forçait les bateaux à s'arrêter souvent plusieurs heures. Lorsque la brume se dissipait, on distinguait au pâle rayon du soleil les teintes ternes de la verdure avant-coureur de l'hiver qui inspire la mélancolie. À cette époque de l'année, il faut 26 heures ou même davantage pour aller de Sarepta à Saratov, l'un des grands centres des bords du Volga. Fin de la 3e étape. 4e étape, Saratov. Produits agricoles, les prétendus nihilistes, le tribunal de Saratov, les réfractaires. En débarquant dans cette ville, on est en pleine Russie d'Europe. À Sarepta, je me trouvais pour ainsi dire sous le péristyle de l'Occident. L'Asie n'était plus qu'un souvenir. Le dernier échelon était franchi. À Saratov, la vue des habitants, avec leur long surtout boutonné jusqu'au cou, le bonnet fourré, les costumes européens, indiquent une province de l'Empire où tout est occidental. Cette grande ville à large rue s'étend de plus en plus loin de la rive. De vastes places, de spacieux édifices, des églises grandioses donnent un aspect mesquin aux constructions de date ancienne. Les vieux quartiers sont habités par la classe la moins aisée, les nouveaux par les fortunés du jour. Telle est, à grands traits, la physionomie de Saratov actuelle. Elle compte près de 3 siècles d'existence depuis l'expulsion des Tatars du pays, mais a peu de tradition historique. L'étymologie de Saratov se trouve dans Saritao, nom du petit village qui fut son origine, Sari, jaune, et Tao, montagne. Les Russes en ont fait Saratov. On mentionne la visite qui fit en 1590 le tsar Fédor Ivanovitch, fils de Jean le Terrible. La population alors établie sur la rive gauche fut transportée vers 1605 sur la rive droite, près d'un petit cours d'eau nommé Saratavka. Comme plusieurs autres localités voisines, Saratov tomba au pouvoir de Stenka Razine et de Pougatchev qui, à un siècle de distance, les pillèrent et les dévastèrent. Saratov est le chef-lieu d'une province de 2 millions d'habitants. Elle est célèbre par ses produits agricoles, surtout par son marché de grains. Le commerce se fait principalement avec Moscou et Astrakhan. Des moulins à vapeur gigantesques, qui représentent la force de 20 000 chevaux, produisent de la farine, alimentant Moscou et Saint-Pétersbourg. Des caravanes immenses viennent se former à Saratov pour chercher le blé qui va à Revel et de là à l'étranger. En général, sur les bords du Volga, vis-à-vis de Saratov, il y a des terres magnifiques pour la culture du froment. C'est avec quelques autres provinces du Midi le grenier de la Russie. On exporte aussi beaucoup de sel. Des mines d'alun sont en pleine exploitation. La foire aux chevaux de Saratov est considérable, la race chevaline des steppes environnants étant magnifique et fort recherchée dans toute la Russie. Un incendie détruisit en 1774 une partie de la ville. On y construit aujourd'hui des maisons en pierre. On évaluait en 1878 la population à peu près à 100 000 âmes. Note, en 1867, Saratov comptait 93 000 habitants. Fin de note. Elle doit une part de sa richesse aux céréales, son principal produit. Je passais quelques jours à Saratov. À cause des brouillards couvrant le Volga, les bateaux ne pouvaient aller plus loin. Dans l'espoir que la brume fît place au temps clair, j'attendis, désireuse de continuer le voyage sur le fleuve. À cette époque, les nihilistes faisaient beaucoup parler d'eux. Plusieurs avaient été arrêtés, dont le procès allait occuper le tribunal de Saratov. La session des assises étant commencée, j'avoue que mon attente me parut moins regrettable, car n'ayant jamais assisté à des débats judiciaires, ni vu des types de nihilistes, l'occasion me parut favorable. J'eus soin de m'assurer une place réservée pour l'audience. Je l'obtins sans difficulté, bien qu'elle fût fort recherchée. La question des nihilistes étant une des plus palpitantes, on conçoit que les curieux ne manquent jamais en de semblables occasions. Les salles sont envahies lorsqu'il s'agit d'une procédure contre ses ennemis du pouvoir. Les tribunaux réguliers existent en Russie comme partout en Europe. Le tribunal a son président, son jury, etc. Les débats sont publics. L'audience à laquelle j'allais assister promettait d'être des plus intéressantes. J'arrivai vers 10h du matin dans la salle. Le premier objet qui me frappa fut le portrait de l'empereur Alexandre II, suspendu au mur et faisant face à la porte d'entrée. Au-dessous de ce portrait est placée, sur une estrade, une table réservée aux juges, au procureur impérial et au greffier. Plus loin, de l'autre côté, se trouvent le jury, les avocats, les témoins, la presse, les sténographes, etc. Le public se place sur des bancs, alignés à droite et à gauche de la salle. Au milieu est un espace libre. Ni les juges ni les avocats n'ont de costume particulier. Tous, indistinctement, portent l'habit de ville. L'unique insigne du président est une chaîne d'or au cou. Seul un prêtre est revêtu de sa robe sacerdotale. Il se tient près des juges. Devant lui, on voit sur la table une croix et l'évangile. Les prévenus, introduits par des soldats, sont quatre jeunes gens d'une vingtaine d'années. Ils ont l'allure et portent le costume du paysan. À leur entrée, un mouvement de curiosité générale attire tous les regards vers eux. Ils prennent place sur des bancs. Les soldats restent debout près d'eux. Le plus profond silence règne. La séance s'ouvre par la voix du prêtre, invoquant la bénédiction de Dieu. On lit la liste des noms des jurés. Il y en a 12. Puis le greffier donne lecture de l'acte d'accusation que l'assistance écoute avec la plus vive attention. Après l'audition des témoins, dont le plus grand nombre sont des fermiers et des paysans, l'auditoire donne des signes d'assentiment. Des clameurs se font entendre, mais la sonnette du président ne tarde pas à imposer silence. L'avocat de la défense prend la parole et dans son discours, aussi clair que succinct, il explique l'erreur de l'acte d'accusation en démontrant que ceux qui sont sur le banc des accusés ne sont pas des nihilistes mais bien des réfractaires que la loi ne saurait poursuivre. La séance se prolongeant pour les dépositions de témoins, le réquisitoire du procureur impérial, etc., je ne pus y assister jusqu'à la fin. Je sus plus tard que l'affaire occupa la cour de justice pendant plusieurs jours de suite et que dans leur verdict, les jurés déclarèrent que les prévenus étaient réellement de simples réfractaires et non des nihilistes dangereux. Ce jugement leur rendit donc la liberté. Un mot concernant les réfractaires. Cette association d'hommes forme un clan tout à fait particulier. Ce ne sont ni des sectaires, ni des moines, ni des conspirateurs. Mais ils protestent contre tout ordre de choses existantes et ne reconnaissent ni l'autorité du souverain, ni les lois. Nomades et sauvages, ils changent souvent de demeure. Ils choisissent de préférence les forêts. Tous ces bohémiens ont le travail en horreur. La peur qu'ils inspirent aux paysans des districts qu'ils traversent fait qu'ils sont sûrs de ne pas mourir de faim. Souvent, les bûcherons leur cèdent leurs cabanes dans les bois et pourvoient même à leur nourriture. Ils ont des chefs qu'ils respectent et auxquels ils obéissent aveuglément. Ces chefs se réunissent de temps en temps pour se concerter sur les intérêts de l'affiliation. Les réfractaires vivent loin de leur famille et ne la reconnaissent plus du moment qu'ils sont affiliés à l'association. Ils forment des bandes organisées et se tiennent dans les vastes forêts de plusieurs gouvernements de la Russie, notamment au bord du Volga. Comme ils ne se rendent coupables d'aucun crime prévu par la loi, l'autorité ne peut les poursuivre. Leur vie nomade dans les déserts et dans les bois ne suffisant pas pour les condamner et leur infliger des châtiments. D'après eux, le tsar est le démon et son entourage n'est composé que d'êtres maudits. Après Saratov commence la partie la plus intéressante des bords du Volga. On peut aller par eau, en passant par Nijni Novgorod jusqu'à Tver et là, grâce à un canal, gagner Saint-Pétersbourg. Mais après avoir attendu en vain le beau temps, je dus, à mon grand regret, renoncer à cette excursion. D'ailleurs, en novembre, le plus sage est de ne pas se risquer sur les flots du grand fleuve, menacé dès ce moment d'être pris par les glaces. Il fallut me contenter du rapide qui devait me conduire de Saratov à Moscou. Fin du chapitre 29.